Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Leridez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans la vie du bon côté avec comme base de discussion cet après-midi le livre 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire et surtout les réponses qui apportent la science. 60 questions que l'on va compulser ensemble cet après-midi, et évidemment pas toutes dans leur intégralité, mais on va se demander par exemple jusqu'à 15h quel humour est le plus efficace face aux reproches de son partenaire. On s'interrogera aussi autour de l'humour. N'a-t-il que des effets positifs sur notre humeur? D'autres questions encore. Comment les humoristes se font aimer de leur public? Ou encore l'humour peut-il aider des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? À chacune de ces questions, un brin cocasse, il faut le dire. Le livre apporte une réponse scientifique. C'est le concept de la collection In Psycho Veritas. Bonjour Andrea Ostojic. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bienvenue dans la vie du bon côté. Vous êtes l'auteur de ce livre 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le et les réponses qui apportent la science. D'abord, en forme de sourire, vous êtes bien marré pendant l'écriture du livre? Oui, je me suis bien marré et surtout j'ai découvert des choses qui ont été assez surprenantes. Ouais, genre quoi par exemple? Je pense qu'on va l'aborder. Par exemple, le rire d'une jeune maman peut avoir une incidence sur la composition de son lait. Voilà. Une maman enceinte, donc. Hein. Bah, une jeune maman qui a donc un nourrisson et qui allaite. En fait, on a constaté que quand elle rit, ça a un impact sur le taux de mélatonine dans son lait. Et la mélatonine, c'est une substance qui a un rôle dans le système immunitaire. Et donc, ça peut avoir un effet sur les allergies de son bébé. Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. Des choses auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. Exactement. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette thématique de l'humour? Comment ça s'est passé, la genèse de cet ouvrage? En fait, c'est Jean-Baptiste Daillé qui est le directeur de la collection In Psycho Veritas qui m'a proposé d'écrire un livre pour cette collection. Et donc, le principe de la collection, c'est que dans chaque livre, on aborde 60 questions étonnantes sur un thème en particulier, et il m'a proposé plusieurs thèmes et j'ai choisi l'humour parce que je trouve que c'est un thème plutôt agréable, qui a une connotation plutôt positive. Donc quand on va passer plusieurs mois à travailler sur un sujet, autant que ce soit quelque chose de plutôt agréable. Et puis je trouve que l'humour c'est aussi un thème intéressant parce que c'est à la fois quelque chose d'universel, quelque chose qui fait partie de notre quotidien et qui en même temps a une part de mystère, parce que finalement on sait pas trop pourquoi ce qui nous fait rire. L'humour a un côté... On s'arrête jamais, c'est ça, sur cette notion d'humour. On raconte des blagues, mais on décortique pas. Oui, c'est ça. On rit, mais finalement, pourquoi ce qui nous fait rire, ça reste une énigme, en fait. Alors, je le disais aux différentes questions, aux 60 questions posées dans le livre, il y a une étude qui a été réalisée et il y a une réponse scientifique. Hein. Voilà, c'est ça. Vous nous raconterez comment se sont déroulées les différentes études. Mmh. Mais du coup, ça crédibilise le propos, c'est ça aussi l'idée? Oui, c'est ça, parce qu'à chaque question, on a une étude scientifique qui apporte une réponse. Donc, on a vraiment des résultats concrets qui ont été mesurés scientifiquement. On verra ça tout au long de cet après-midi. Vous qui nous écoutez, venez participer. Nous vous ferons parler jusqu'à 15h de ce qui vous fait rire ou pas, des liens entre le sens de l'humour et les autres traits de personnalité, des liens entre l'humour et la santé, des effets de l'humour sur le bien-être psychologique, ou encore de l'humour dans vos rapports aux autres ou comme outil de communication. Andrea, qu'est-ce qui vous fait rire, vous, en général, dans la vie de tous les jours? Je dirais que ce qui me fait rire souvent, c'est mon entourage, en fait. C'est plutôt que les humoristes, la télé, etc. C'est les personnes qui m'entourent qui souvent me font beaucoup rire. Des situations cocasses qui peuvent amener à sourire? Voilà, c'est souvent un humour, je dirais, involontaire. Plutôt que des gens qui font des efforts pour être drôles, souvent, les gens sans faire exprès peuvent être très drôles. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que vous avez de l'humour sur vous, sur les autres ou pas? Pour intervenir cet après-midi, le téléphone 070 23 33 23, le SMS 30 63 50 centimes. Et vous allez voir avec votre invité cet après-midi encore, on prend la vie du bon côté. La vie du bon côté. Que dira mon père? J'en ai marre de faire semblant. Que dira ma mère? M'aimera-t-elle toujours autant? Je ne suis pas mieux qu'un autre. trouve trop différent. Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre heureux. J'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux. Tant pis si ça choque. J'ai le droit aussi, et Calogero pour la musique, pour démarrer l'après-midi ensemble sur Viva. Merci d'être là, c'est La Vie du Bon Côté jusqu'à 15h autour du livre d'Andrea Ostojic, 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est votre compagnon? Est-ce que ce sont des situations? 070 23 33 23 et dans un instant, la première des 60 questions, ce sera celle-ci. Les blagues avec un fond de vérité sont-elles plus drôles d'après vous? Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mété pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Faustaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche CC? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non? C'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer. Avec Lidl, faites du sport maintenant, parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. En télé, sur la une... La vérité si je mens. La vérité c'est Cornélien. La vérité, tu regretteras pas. Mais la vérité c'est normal. La vérité si je mens 3. Et on partage à 3, 50-50. 50-50 à quoi? Bah et oui, moitié. 3 fois plus de délire, ce vendredi soir sur la Une. Oh putain les gars, ça y est, c'est parti. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Thomas Leridez. La vie du bon côté, spécial humour cet après-midi à partir du livre qui nous intéresse, 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire. Alors je le disais aussi Andrea, on va pas toutes les compulser hein, ces questions, mais l'une des premières questions du livre c'est celle-ci, les blagues avec un fond de vérité sont-elles plus drôles? Pourquoi une telle question Andrea? Oui, alors en fait, ce qu'il y a derrière cette question, c'est la question de est-ce que quand on rit d'une blague, ça signifie qu'on pense que cette blague exprime la vérité? Autrement dit, est-ce que par exemple, si une blague raciste me fait rire, ça signifie que je suis raciste? Je pense que c'est une question qui nous intéresse tous, parce que ça nous arrive à tous de rire de blagues ou de sketchs qui sont un peu politiquement incorrects. Et d'après une expérience menée par des chercheurs américains que je décris dans le livre, il semblerait que les personnes qui ont tendance à avoir des stéréotypes, par exemple racistes ou sexistes, rient plus fort que les autres à des blagues qui expriment des stéréotypes de ce genre. Donc finalement... Comment à cette conclusion-là ? C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite. Elle a été faite comment, cette étude-là, Andréa ? En fait, ils ont demandé à une soixantaine de personnes de visionner un one-man show comique qui comprenait des sketchs avec des stéréotypes, par exemple, sur les blancs et les noirs, des stéréotypes sur la place des femmes et des hommes dans la société. Et ils ont observé comment ces personnes réagissaient à ces sketchs. Et à côté de ça, ils leur ont aussi fait passer un questionnaire pour évaluer leurs préjugés, en fait, à la fois sur les hommes et les femmes et sur les blancs et les noirs. Et ils ont constaté, du coup, que les personnes qui ont beaucoup de préjugés sont aussi les personnes qui rient le plus fort, en fait, à ces sketchs-là. Donc ça montre que notre rire peut être révélateur de nos tendances, de nos préférences, de nos préjugés. Et voilà, donc le fait qu'on rit... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on rigole à certaines choses, ça veut dire que ça peut évoquer aussi quelque chose en nous, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est peut-être parce que ça résonne en nous par rapport à des préjugés qu'on peut avoir et parfois dont même nous ne sommes même pas conscients, en fait. Ouais. Donc, Ça nous ramène à notre réalité à nous. C'est ce que vous dites, il semblerait que l'on apprécie davantage une blague si on pense qu'elle contient une part de vérité. Voilà, c'est ça. Notre vérité, qui n'est pas forcément la vérité universelle. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien parce qu'on en apprend des choses sur, alors certes sur l'humour, mais aussi sur ce que l'on est. C'était des études qui existaient déjà ou alors c'est des études que vous avez pu faire réaliser ? Non, en fait, j'ai un peu passé en revue les études scientifiques qui ont été publiées ces dernières années sur l'humour et le rire et j'ai fait une sélection de celles qui me semblaient les plus intéressantes ou celles qui avaient des résultats un peu surprenants, qui remettent en question un peu nos idées reçues. Question suivante que l'on va aborder cet après-midi, c'est celle-ci. Le rire est-il toujours contagieux ? Oui, alors... On connaît tous la dimension contagieuse du rire. Hein. On a tous eu des expériences de fou rire déclenchées par une personne qu'on a vu rire. Par exemple, quand on assiste à un spectacle comique, si d'autres personnes rient dans le public, on a aussi envie de rire. Et d'ailleurs, c'est à ça que servent les rires préenregistrés dans les séries. Dans les séries, voilà. C'est pour nous donner envie de rire. Exactement. C'est pour nous donner envie de rire. Ça marche pas toujours. Hein. Oui, c'est vrai. Quand parfois, même, c'est plutôt agaçant, énervant. Plus qu'autre chose, effectivement. Mais bon, voilà. On sait qu'il y a un pouvoir contagieux du rire. Mais ce que révèle une étude, c'est que le rire n'est pas toujours contagieux. En fait, ça dépend de qui sont les personnes que l'on voit rire. Et si on voit rire des personnes et qu'on identifie ces personnes comme des gens qui ne nous sont pas très sympathiques ou qui sont trop différents de nous pour diverses raisons, l'effet sera inverse. C'est-à-dire qu'on n'aura pas envie de rire avec elles et on aura même tendance à juger négativement la personne qui les fait rire. Donc ce que vous dites, c'est que l'hilarité n'est pas forcément toujours contagieuse. Voilà. Parfois, l'effet est justement complètement inverse. Mais dans les deux cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est influencé par les autres. Dans ce qui nous fait rire. Voilà. Études à l'appui aussi, là je suppose. Oui, tout à fait. Après l'expérience est un peu compliquée à décrire, mais en gros, on a demandé à des gens d'écouter un spectacle comique avec les rires du public, mais on leur a pas tous dit la même chose sur qui était ce public en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire. J'ai pas tout compris. On a demandé à des étudiants d'écouter un enregistrement d'un spectacle comique. Et à une partie des étudiants, on leur a dit les spectateurs qui rient, là, ce sont des étudiants de ton université. Et à l'autre moitié des étudiants, on leur a dit ces personnes qui rient, ce sont des militants d'extrême droite. Voilà. Et en fait, l'évaluation qu'ont fait les étudiants de l'humoriste dépendait du public en présent. Fait, qu'on leur avait dit qui était présent. Donc il n'y a pas d'automatisme, encore une fois, voilà. dans le rire. Voilà, c'est ça. Ça dépend du regard que l'on pose sur la personne qui raconte les blagues. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rire, vous qui nous écoutez ? À quel moment vous êtes pris d'un fou rire incontrôlable ? Est-ce que c'est une situation ? Est-ce que ce sont des gens ? Est-ce que ce sont, je sais pas, des événements, des moments partagés ? Vous nous dites tout ça. Au bout du fil, on partage cela ensemble, si vous le souhaitez, au 070 23 33 23, ou alors par écrit, SMS 30 63 et la page Facebook.

Vivacité, la ville de Soigny et son centre culturel présentent le multifestival gratuit Autant d'éclats. Samedi 27 dès 11h à Soigny, concerts, arts forains, marché du monde et village des enfants. Plus de 20 spectacles, Ulysse, Grand Georges, Charcot, Nicolas Testa. Info 067 347 428. Au troisième top, il sera... 13h33 T'as raté ton coup. Et pour ta seconde cesse, tu vas essayer de te rattraper pendant le mois d'août. Bah alors, bouge-toi le cou. L'anti-coup de mou. C'est Nalou. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Mété comme si vous y aviez participé avec les animations solidaires de Cap 48, les initiations sportives de l'ADEPS, les milliers de beaux héros escortant Nicolas Xavier Ladouze dans l'antre sans Brémeuse avant le grand retour de Suarez ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Vapona, votre arme contre les insectes. Le soir, explique la sécurité routière aux enfants. Un calendrier scolaire aussi ludique que pratique, avec les dates des congés officiels et les consignes respectées pour une rentrée en toute sécurité. Ne manquez pas ce calendrier gratuit ce vendredi 26 août. Bonne rentrée et bonne route avec le soir. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métairie. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métairie, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end d'anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350ans avec la Une. La vie du bon côté sur Vivacité. La vie du bon côté qui se plie en quatre cet après-midi à partir des différentes questions étonnantes sur l'humour et sur le rire, avec peut-être vos participations aussi, vos réactions, celle de Juliette par SMS qui dit « Personnellement, tout me fait rire, surtout les propos tellement vrais mais innocents de mes deux petits-enfants. » Merci à Juliette qui nous écrivait depuis Wanze cet après-midi. SMS 3063, le téléphone pour intervenir, 070 23 33 23. On parlait d'enfants, de petits-enfants avec Juliette par SMS. On va parler des bébés maintenant, parce qu'on parle de l'humour des grands depuis tout à l'heure, mais l'une des questions qui arrive d'ailleurs en début de livre, Andrea, c'est qu'est-ce qui fait rire les bébés ? Dites-nous tout là-dessus sur l'étude qui est parue. Oui, en effet, des chercheurs américains se sont posé cette question, ils se sont demandé qu'est-ce qui fait rire les bébés, parce qu'on voit souvent les bébés éclater de rire et on se demande parfois pourquoi ça les fait rire. En fait, ils ont filmé des parents en train d'interagir avec leur enfant pour observer un peu ce qui faisait rire les bébés. Oui. Et puis, ils ont aussi fait passer des questionnaires à des parents pour voir voilà, dans quel contexte les bébés rient. Et alors, en fait, on constate que dès l'âge de 5 mois, déjà, il y a des bébés qui se mettent spontanément à rire. Par exemple, quand ils voient un visage d'une personne avec un nez rouge de clown. Ce qui montre ils sont déjà capables de percevoir l'incongruité dans une situation. Parce que l'humour provient toujours de l'incongruité. C'est-à-dire de la présence dans une situation de deux choses qui ne vont pas ensemble. Exactement. Ouais. Même pour les bébés à l'âge de 5 mois. Bah, on constate que chez certains bébés, dès 5 mois, ils arrivent déjà à comprendre ça. Ouais. Après, concernant la production d'humour. Déjà, dès, on va dire, un an à peu près, ils commencent d'abord par copier des comportements humoristiques qu'ils ont observés chez d'autres personnes. Et vers l'âge de 2 ans, là, ils sont capables de créer eux-mêmes des contenus humoristiques originaux. Mmh. Après, dans des exemples de types d'humour qui font rire les tout-petits, on a par exemple l'humour qui consiste à détourner les objets de leur usage habituel, par exemple mettre sa culotte sur sa tête, des choses comme ça, ou l'humour qui consiste à jouer avec les concepts, à jouer avec les mots, dire que le cochon fait meuh, ou appeler un chat un chien, des choses comme ça, ou aussi tout ce qui est jeu de cache-cache, les jeux qui impliquent le corps, faire des grimaces, voilà, se rouler par terre, et tout ce qui consiste à se courir après, se chatouiller. Mmh. Et puis, ce qui a aussi beaucoup de succès chez les petits, c'est les sujets tabous, quoi, tout ce qui est les gros mots. Ça marche, ça. Ouais, ça marche très bien, parce que je pense que dans l'humour, il y a toujours un côté transgressif, même chez les adultes. Hein. Dans tout ce qui nous fait rire, il y a un peu de transgression. Et on l'observe donc déjà chez les tout-petits. Donc pour les bébés, avant 2 ans, c'est en observant peut-être les situations et les mimiques des parents que ça peut faire rire. Et à partir de deux ans, ils ont la capacité de se créer des situations qui les font rire, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Produire de l'humour par eux-mêmes. Ça, c'est des choses que l'on savait, que vous saviez avant cette étude, ou ça fait partie aussi des découvertes de la rédaction de ce livre ? À titre personnel, oui, moi je l'ai découvert en rédigeant ce livre. Et c'est vrai que c'est une étude, voilà, avec quand même une population assez importante, avec des résultats assez détaillés. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que on constate que les enfants cherchent vraiment à partager leur expérience humoristique, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un désir de provoquer une réaction chez l'autre. Et ça montre un aspect important de l'humour qui est sa fonction sociale. Quand on vit l'humour, on a envie de le vivre avec d'autres personnes. On a envie de le partager. Voilà, exactement. Voilà pour les bébés. Autre question maintenant que l'on va aborder ensemble, et certaines et certains se reconnaîtront dans ces situations. Comment certaines personnes nous font-elles rire avec des blagues nulles ? Parce que c'est vrai, on peut avoir la même blague, mais il y a des gens qui arrivent à nous faire rire et d'autres beaucoup moins. Voilà. Et alors, l'une des raisons pour lesquelles une même blague racontée par deux personnes ne provoque pas les mêmes réactions, ça peut être lié au fait que quand on trouve qu'une personne est drôle, c'est-à-dire que quand on l'a catégorisée dans notre tête comme quelqu'un de drôle parce qu'elle nous a fait rire par le passé, on aura tendance à être plus bon public face à ces blagues, en fait. Mmh. Et l'inverse est vrai aussi. Par exemple, s'il y a un humoriste qu'on trouve vraiment nul, même s'il fait des blagues plutôt réussies, on a nos préjugés qui font que on aura tendance à trouver que c'est pas très drôle. Oui. Donc ça veut dire que les préjugés l'emportent sur le fond de la blague. Voilà, en tout cas les préjugés ont une influence, c'est sûr. Voilà. Autre chose, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion-là sur l'étude ? En fait, les chercheurs ont présenté à une population, à 170 personnes, des histoires drôles qui étaient voilà sur une feuille de papier. Ouais. Et ils ne leur ont pas tous donné la même information sur l'auteur de ces blagues. Sur qui les racontait ? Voilà, sur qui les racontait. À certaines personnes, ils ont dit que c'est tel humoriste. Parce que c'est une étude anglaise, donc ils ont dit tel humoriste anglais a dit cette blague, et à d'autres personnes ils ont dit c'est telle célébrité, donc une célébrité non comique qui a dit ces blagues, et les gens ont eu tendance à trouver que la blague est plus drôle si elle a été dite par l'humoriste que par la personne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit drôle dans la vie de tous les jours pour qu'on nous accorde du crédit sur la blague que l'on était en train de raconter. Exactement, voilà, c'est ça. Bon, bah très bien, donc laissez tomber si vous n'êtes pas humoriste, hein, dans la vie de tous les jours. Voilà pour cette nouvelle question que l'on retrouve dans ce livre 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire. On apprend plein de choses, hein. C'est vrai que c'est chouette. Alors, on rigole pas forcément non plus, puisque là, quand on détaille, quand on décortique l'humour, c'est pas un rire de blague, mais il y a quand même quelques infos qui sont plutôt sympas, comme celle sur les bébés que l'on donnait tout à l'heure. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous provoque un éclat de rire? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est peut-être l'humour sur vous? L'humour sur les autres? 070 23 33 23 pour en parler jusque 15h, après la musique des Bee Gees qui arrive maintenant dans la vie du bon côté. Merci d'être là. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. You're the light in my deepest, darkest. Douceur signée les Bee Gees à l'instant sur Viva dans la vie du bon côté. Jusque 15h, on parle de l'humour à partir du livre de notre invité Andrea Ostojic. Et puis ces différentes questions que l'on compulse ensemble et cette question que l'on se pose souvent. Pourquoi rions-nous quand quelqu'un se casse la figure? La réponse d'ici quelques secondes. Avec la carte Cora et le bon du Folder, 40% sur un article au choix au rayon papeterie. Prenez le plus cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. Dis devant sous Elements, est-ce que tu es prêt pour ta seconde cesse? Oh, je stresse un peu, mais... Ok, allez, complète les phrases suivantes. Carbonade, frites et... Mayonnaise. Bien. Pavé de saumon sauce. Tartare. Bien. De Vos, tu as réussi avec les félicitations de Curie. Oui. La sauce Curie qui mère toujours des points. La voilà. De Vos Lemens. À table. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de tout installer? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 79 euros par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. La région de Bruxelles Capitale, Vivacité et La Une présentent la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD. Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Charleroi, 350 ans. Concert RTBF. Win for Life, Vivacité et la ville de Charleroi présentent le samedi 3 septembre sur les quais de Sambre, Quai Fies. Avec dès 16h, Chantal Goya, l'arrivée du cortège, cover et jazz band, sold out, la drum battle de Marquisaï, Suarez et le feu d'artifice. Quai Fies, venez nombreux le samedi 3 septembre sur les quais de Sambre. Avec vous, Solidaris, Moustique et la Nouvelle Gazette. Jouez maintenant à Win for Life et gagnez jusqu'à 5000 euros par mois à vie. Win for Life, du fun for life. Pendant les 13 semaines du Bon Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur les deux, Vivacité et RTBF Ovio. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. La vie du bon côté. Dans la collection In Psycho Veritas, le livre d'Andrea Ostojic cet après-midi, 60 questions étonnantes sur l'humour et le rire aux éditions Mardaga. On a Véronique par SMS au 3063 qui me dit « Bonjour, moi ce qui est rigolo pour moi c'est la bêtise humaine. Ah, vous n'avez pas idée, beau débat, pas forcément envie de témoigner. Pensez d'amour aux Italiens. » Voilà pour le message de Véronique, que l'on remercie. C'est vrai qu'on s'interroge pas souvent hein, sur l'humour, on écoute les blagues, on le disait tout à l'heure, mais bon, ce qui est sympa dans une blague c'est qu'on ne la décortique pas et donc du coup on ne s'arrête pas. C'était aussi ça l'une des idées de ce bouquin, c'est voir l'humour un peu autrement et un peu différemment de d'habitude. Oui, c'est ça, essayer de percer le mystère de l'humour, mais ça reste mystérieux toujours, et aussi s'intéresser à tous les éventuels bienfaits que peut avoir l'humour sur la santé, autant psychologique que physique. Et puis aborder aussi l'humour dans nos relations aux autres. Donc effectivement, l'humour peut être abordé de multiples manières. Ouais, venez nous parler des bienfaits hein, que l'humour vous apporte à vous dans votre vie quotidienne, 070 23 33 23. L'humour comme mécanisme d'adaptation face au stress, ça c'est une nouvelle question que vous abordez dans le livre, c'est celle-ci. Pourquoi les urgentistes font-ils des blagues morbides ? Oui, effectivement, ce sont des chercheurs britanniques qui se sont intéressés à des personnes qui travaillent au service des urgences dans les hôpitaux, donc les infirmiers, les ambulanciers, etc. Et ils ont organisé des groupes de discussion avec ces personnes pour leur demander de parler de leur métier. Et ils ont constaté que ces personnes faisaient beaucoup de blagues un peu morbides, de mauvais goût, voilà, par rapport aux situations assez difficiles auxquelles ils étaient confrontés au quotidien. Et cet humour, vu de l'extérieur, peut paraître un peu choquant, scandaleux. Mais finalement, ce que constatent les chercheurs, c'est que l'humour est très important, voire indispensable pour ces personnes, parce que c'est un moyen pour eux de mettre à distance, en fait, la mort, la souffrance et toutes les atrocités auxquelles ils sont confrontés. Donc, ils ont besoin de l'humour pour tenir le coup, en fait, pour ne pas s'effondrer et pour continuer à faire leur travail correctement. Pour les aider à exorciser un peu les difficultés, les souffrances de leur quotidien. Voilà, exactement. Donc, en fait, ces plaisanteries, à première vue, elles peuvent paraître comme ça irrespectueuses, choquantes. Mais en réalité, voilà, c'est pas parce qu'ils sont insensibles, cruels, inhumains qu'ils expriment des plaisanteries comme ça. Mais c'est exactement le contraire. C'est pour protéger leur sensibilité. C'est ça, mettre à distance les émotions qui pourraient les habiter pendant ces périodes de boulot. C'est ça ? Tout à fait. Oui. Voilà pourquoi les urgentistes font des blagues parfois morbides et font souvent ce type de blagues-là si vous posiez la question. Alors, une autre interrogation, c'est celle dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et c'est vrai que c'est une question que l'on se pose souvent quand on voit des sketchs à la télé, des gags dans la rue aussi, c'est possible. Pourquoi rions-nous quand quelqu'un se casse la figure, Andrea ? Oui, c'est vrai que le coup de la personne qui chute, je pense que c'est un grand classique qui fait rire à peu près tout le monde. Alors, d'après des chercheurs italiens, l'une des raisons pour laquelle ce genre de situation nous fait rire, c'est l'expression du visage, en fait. L'expression qui s'affiche sur le visage de la personne qui tombe, parce que souvent on a un air un peu ahuri, interloqué, et donc c'est ce côté incongru de l'expression du visage qui nous ferait rire. Ouais, ça, on revient un peu à ce qu'on se disait autour des bébés tout à l'heure. Voilà, parce qu'ils ont constaté dans leur expérience que si le visage de la personne exprime de la souffrance, on a pas envie de rire parce qu'on est plus dans l'empathie, on se dit le pauvre, il a dû se faire mal, mais quand il y a ce côté, cet air ahuri, là ça déclenche le rire. L'étude s'est basée sur différentes photos qu'on a soumises à un panel, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On a présenté des photos à plusieurs personnes, et les photos justement où on voit une expression de souffrance sur le visage, ou alors les photos sur lesquelles on ne voit pas l'expression du visage, font moins rire que celles où la personne a un air interloqué. Voilà. Et s'il n'y a pas d'expression sur le visage, parce qu'on peut glisser tellement vite qu'on n'a pas forcément une réaction immédiate ? Oui, c'est vrai que là, l'expérience est basée sur des photos. Et dans la vraie vie, c'est vrai que ça va très vite et on n'a pas forcément le temps de voir le visage. Donc c'est peut-être ça qui est un peu biaisé. C'est que là, on se base sur des photos et pas sur une image, pas sur une image qui bouge, quoi. Donc la prochaine fois que vous tomberez, essayez d'avoir une grimace. Au moins, ça fera rire les personnes qui vous entourent et qui vous regardent. Voilà pour cette question autour de se casser la figure. Une petite dernière avant la musique et l'info. Les gens drôles sont-ils plus malins que la moyenne ? Donc ça, c'est les liens entre le sens de l'humour et le niveau d'intelligence. Oui, en effet, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y aurait un lien entre le sens de l'humour et le niveau d'intelligence. Donc là, en l'occurrence, c'est une étude dans laquelle on a fait passer des tests de mesure de l'intelligence à des personnes, et on leur a aussi fait passer un test pour mesurer leur sens de l'humour, et on observe un lien entre les deux. Donc il semblerait que les personnes qui sont drôles sont aussi des personnes intelligentes. Et je crois que l'une des conclusions de cette étude, c'est que vous avez pu constater, ou tout du moins l'étude a pu constater, que les hommes ont produit des contenus humoristiques plus drôles que les femmes. C'est vrai, alors ça c'était pas le... Pas plaire à tout le monde, mais c'est quand même les résultats d'une étude scientifique, on le rappelle. C'est vrai, c'était pas le but initial de l'étude d'observer cette différence entre hommes et femmes, mais là on constate quand même une différence, et effectivement les hommes se sont montrés plus drôles que les femmes. Donc, comment est-ce qu'on l'explique ça ? Justement, c'est une bonne question. Est-ce que cette différence, elle est, on va dire, biologique, génétique, ou est-ce que ça ne serait pas la culture, la société, l'éducation qui peut-être encourage les hommes à développer leur humour plus que les femmes ? Ça, la question reste ouverte. Mais je pense qu'il y a quand même un effet de la société et de la culture. Donc, ce que vous dites, hormis cette question homme-femme, c'est que les gens drôles sont plus malins que la moyenne, c'est ça ? Oui, et c'est vrai que ça peut s'expliquer par le fait que avoir de l'humour nécessite de percevoir dans une situation ce que les autres ne perçoivent pas. Donc c'est une forme d'intelligence, je pense. Il y a aussi une dimension de créativité, d'originalité, et puis aussi de réactivité, parce que être drôle, c'est aussi savoir dire le bon mot au bon moment. Donc tout ça, c'est un peu lié à l'intelligence. Oui. Et je pense qu'il y a aussi un aspect d'intelligence relationnelle, parce que l'humour implique aussi de savoir à quel moment, voilà, et dans quel lieu, dans quelles circonstances c'est on ça, peut ouais. faire quel type de blague. Exactement, de s'adapter à la situation, aux gens qui sont là. Donc tout ça, je pense que c'est quand même lié à une certaine forme d'intelligence. Et comme on a encore 30 secondes avant de retrouver un peu de musique avec la grande Sophie, le chapitre d'après et la question d'après est en lien avec ce qu'on se disait. Fille ou garçon, est-ce qu'on a le même rapport à l'humour ? On en revient à cette relation homme-femme. Oui, des chercheurs ont constaté que quand on fait regarder des vidéos humoristiques à des filles et des garçons, donc là c'était des filles et des garçons de 6 à 13 ans, oui. et qu'on mesure qu'on enregistre l'activité de leur cerveau, ce ne sont pas exactement les mêmes régions du cerveau qui sont activées. Donc il y aurait effectivement au niveau de l'activité du cerveau des différences entre les hommes et les femmes, et cette étude tend à montrer que les femmes seraient plus réceptives, enfin les filles en l'occurrence seraient plus réceptives à l'humour que les garçons. Voilà. Donc après, les hommes sont plus drôles, mais les femmes sont plus réceptives aux sketchs humoristiques. Voilà, en fait, selon plusieurs études, c'est, les hommes sont plus dans la production d'humour, alors que les femmes sont plus dans l'appréciation de l'humour. Voilà, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là. Uh-huh. Ouais. Et là également, c'est uniquement physiologique ou il y a d'autres raisons, comme les raisons sociétales qu'on a abordées pour les hommes tout à l'heure ? Oui, c'est vrai que justement, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse à cette question et je pense que l'aspect sociétal est important aussi. Donc, ce qu'on en retient quand même, c'est que cette étude, et on le lit dans le livre, montre que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière à l'humour. Chez les filles, le cerveau montre une activité particulièrement intense face aux vidéos humoristiques, alors que chez les hommes, le cerveau semble plus réactif lors du visionnage de vidéos positives. Oui, parce qu'on leur a fait visionner des vidéos humoristiques, mais aussi des vidéos qui sont pas humoristiques, mais qui sont positives, en fait, où on voit des choses qui sont agréables à regarder. Et là, chez les garçons, il y a eu une activité plus intense. Est-ce que vous êtes d'accord, pourquoi pas, avec cette étude ? Est-ce que vous vous sentez concerné ? Et puis, plus globalement, qu'est-ce qui vous fait rire ? Vous pouvez nous le dire par SMS 3063 ou alors par téléphone 070 23 33 23 pour intervenir. La musique de la grande Sophie et Nicolas Lee et l'info juste après. Caressing the milk of your skin will be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens. On ne sait jamais revu, vu le temps qui passe, les années qui défilent et je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, des questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence d'un demi-roi, que quelques coups de chevrotine. On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, les questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Au regard, au souvenir, je les dessine à la gouache quand ils ne savent plus revenir. Will you remember my hand cursing the milk of your skin? Would be a million anthems to celebrate the love we've seen. We never met again. Then time goes by, search into the room where we find the lights. Your stand over my face, on your tongue, it's sour taste. Your stand, time goes by. To the moon, nothing left behind. To hell, we are standing here. Cause anyway, we never meet again. La grande Sophie et Nicolas Lee, les portes claquent pour la musique et refermer cette première partie de La vie du bon côté. Juste après l'info, retour de notre discussion autour du livre d'Andrea Ostojic, 60 questions étonnantes sur l'humour et le rire. Notre question cet après-midi jusqu'à 15h, qu'est-ce qui vous fait rire ? Big Flo et Oli rejoignent l'équipe des coachs de la nouvelle saison de The Voice. Comment ces petits nouveaux vont-ils la jouer face à l'expérience de BJ Scott, la fougue de Marc Pinilla et la tchatche de Quentin Moziman? Le rap de Big Flo et Oli, c'est dans The Voice, en janvier sur la Une. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine équipée? Et si nous la concevions ensemble? Design fonctionnel et parfaitement équipé. Cuisson à induction, four multifonction, lave-vaisselle intégrée. Ego vous offre jusqu'à 2500 euros de remise sur l'électroménager. Conditions sur ego.be. Ego, la cuisine de ma vie. Vivacité La Une présente le Vous Rire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vousrire.be. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. La Vivacité, 14h. L'info avec David Riffon. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vivacité a fait sa rentrée ce matin. Une nouvelle saison et donc quelques nouveautés au programme pour vous, chers auditeurs. Une nouvelle émission info, le week-end notamment, le samedi de 13 à 14h. Son nom, la semaine Viva. Elle sera présentée par Christophe Grandjean et Régine Dubois. A signaler une émission santé également. Une nouvelle tête aussi, Ophélie Fontana, rejoint la semaine Viva, mais aussi le 5 à 7 avec son regard sur un fait marquant de l'actualité. Ophélie Fontana sera aussi dans le cube de Viva for Life en fin d'année à Charleroi. Elle remplace Sébastien Nolvaux. Il fait très chaud, la journée la plus chaude de la semaine aujourd'hui, 30 voire 34, 35 degrés par endroit cet après-midi. Un conseil, évitez l'exposition directe au soleil ou alors couvrez-vous de crème solaire. L'IRM lance un avertissement chaleur, les rayons UV sont très forts et peuvent provoquer des brûlures de la peau. Si vous souffrez de problèmes respiratoires, ne faites pas d'efforts violents en pleine chaleur en raison des pics d'ozone. Températures élevées, ensoleillement, faiblesse du vent et accumulation de polluants dans l'air forment un cocktail explosif en la matière. Même type de temps pour les prochains jours, avec un tout petit peu plus frais peut-être demain. Attention aussi, des risques d'orage sont annoncés pour samedi après-midi. L'actualité internationale et les recherches qui se poursuivent dans des conditions difficiles en Italie. Le bilan du terrible séisme qui a frappé le centre du pays la nuit de mardi à mercredi est toujours de 247 morts et plus de 360 blessés. Mais il pourrait encore s'alourdir. De nombreuses personnes sont portées disparues. Aucun Belge ne figure parmi les victimes, selon le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, qui affirme que la Belgique est prête à fournir son aide à l'Italie en cas de besoin. Les équipes Bifast pourraient être envoyées sur place si nécessaire. La Croix La Croix-Rouge italienne a également lancé un appel aux dons. Elle est rejointe par son homologue belge. Un point RTBF Mobile Info, Pierre Collard-Bovy, cela rentre progressivement dans l'ordre après cet accident ce matin sur la E40. Oui, effectivement, puisque l'accident s'est terminé, la chaussée a été dégagée, donc subsistent maintenant des ralentissements sur le 40 vers Ostende, avec quelques fils entre Zandvoort et Ostende, et vous perdez une vingtaine de minutes, et puis vers Calais, donc sur le 40, mais direction Calais, là il y a également quelques fils encore à hauteur de Oudenburg, vous perdez une dizaine de minutes. Attention à ces feux de signalisation hors service à Laeken, au carrefour du square Jules de Trop et de l'avenue de la Reine. Sur le ring de Bruxelles, eh bien, un tronçon ralenti, vous perdez 10 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et quelques autres tronçons ralentis mais légèrement. Un véhicule est en panne sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur de Wautierbrenne en direction de Mons. Prudence puisque le conducteur change de roue du côté de la chaussée. Un incident à Liège, la rue de l'Université toujours fermée à la circulation et puis un camion est en panne sur la 12 Bruxelles-Anvers à hauteur d'Arcelar. La bande droite est neutralisée et il y a des fils en direction d'Anvers. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h03 sur Vivacité, la vie du bon côté, la suite avec Thomas Leridez. Et évidemment, oui. Avec un temps pareil, Thomas, bien on ne peut que l'avoir du bon côté, la vie. Ouais, ben on est bien d'accord. Quoi qu'il fasse quand même un peu un chaud. Un petit peu chaud peut-être. Il faut faire attention, on l'a dit dans les infos. On fait voilà. Attention. On en profite, mais on fait attention. On ne cessera de le répéter, avec on modération. S'hydrate. Oui, on s'hydrate avec de l'eau, c'est quand même beaucoup mieux. Mais on profite du soleil avec modération. Ah oui, pardon. Qu'on s'entende bien. Très bien, très bien. Et puis surtout, on est attentif envers les personnes les plus exposées et les plus sensibles. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Le beau vélo de Ravel. Comme tous les jours à cette heure-ci, on fait un point sur l'actualité du beau vélo. Le beau vélo qui fait, comme son nom l'indique, la part belle au Ravel. C'est le réseau autonome des voies lentes, aménagé sur des chemins de halage et d'anciennes lignes de chemin de fer. Et après-demain, samedi, à Mété, c'est la ligne 150 qui sera en partie empruntée par les cyclistes pour cette étape spéciale Cap 48. La preuve avec vous, Adrien Jovenot, et votre invité. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous. On vous l'a annoncé ce matin à la conférence de presse de rentrée de Vivacité. Ce sera le gros week-end Cap 48 après-demain à Mété avec entre autres le beau vélo de Ravel. Alors c'est l'occasion avec Georges Watley de parler du Ravel pour tous. Georges, vous serez avec nous et chemin du rail ce samedi le long de la ligne 150. Oui. C'est une des plus belles lignes, c'est un des plus beaux ravels de Wallonie, parce que d'une part, il est très proche, je dirais, d'un certain nombre d'attractions touristiques, et d'autre part, il est assez exemplatif de ce qu'un ravel doit être sur le plan de l'équipement. Qu'est-ce qu'il a plus que les autres ? Bien, d'abord, il y a, par exemple, la gare de Fos-la-Ville qui a été très intelligemment restructuré, je dirais, puisque c'est devenu un centre de découverte du paysage et des environs. Puis il y a l'abbaye de Maretsou, il y a le lac de Bambois, il y a l'abbaye de Brogne. Il y a toute une série d'attractions touristiques qui sont vraiment très très proches de ce Ravel. Et qu'on a pu voir lors de la nuit du Ravel. Bon, si vous l'avez loupé, vous avez une session de rattrapage après-demain à Mété. Entre autres, le long du Ravel Robs, du nom du peintre qui avait sa gentilhommière dans la région. C'est un Ravel très fréquenté. C'est un Ravel qui est effectivement très fréquenté, mais par différents usagers. Chemin du Rhin tient toujours à rappeler qu'un Ravel n'est pas une piste cyclable. C'est un lieu de convivialité qui rassemble à la fois des piétons, des personnes à mobilité réduite, des rollers, même parfois des cavaliers et des cyclistes, mais pas uniquement. C'est pas un vélodrome, c'est exactement. Cool. C'est pour prendre son temps, effectivement, ralentir le rythme pour augmenter le plaisir. Alors quand on parle de mobilité réduite, parce qu'il y a beaucoup de personnes moins valides qui seront aussi avec nous sur ce Ravel après-demain, le Ravel Cap 48. Pour vous, c'est important, c'est une priorité aussi ça. Oui, parce qu'il faut penser effectivement à un aménagement correct. C'est notamment prévoir un accès facile. Prévoir et penser aux bordures, il faut signaler des obstacles, il faut baliser les traversées de chaussées, avoir un revêtement qui est adapté, et puis aussi songer que la nature envahit parfois les chemins et donc élaguer les arbres de temps en temps, enlever les mauvaises herbes, etc. Il faut dire que le monsieur vélo SPOE a mis le paquet pour que ce soit accessible à tous. Oui, c'est vrai. Nous tirons notre chapeau à Nicolas Goffinet, le monsieur vélo, qui a été très attentif à la question. Et notamment entre Esmond et Hermeton, les signalisations directionnelles et kilométriques ont récemment été placées en avril dernier. Eh bien, demain, je vous reparlerai de ce beau vélo de Ravel de Mété, du concert de CRS. Et après-demain, samedi, vous serez avec Jacques Bott et toute l'équipe de Chemin du Rail sur le circuit de Mété pour vivre avec nous cette belle journée. Balade à suivre ce samedi dès 13h. Donc, à Mété, vous avez tous les détails sur le site de votre radio www.vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. La vie du bon côté autour des 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire, paru aux éditions Mardaga dans la collection Une Psycho Veritas avec son auteur qui est votre invité jusqu'à 15h, suite de notre conversation après Enrique Iglesias pour repartir. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos. Que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy. Bailamos hasta las 10, hasta que duele.

conscience. Et c'est ça qui est intéressant. Dans une seconde, on se demandera si le rire est un bon antidouleur, même si on a déjà quelques indications. Mais avant ça, d'autres questions que vous abordez, Andrea, dont celle qui, justement, repose sur les humoristes. Et vous demandez dans le livre si les humoristes sont plus fous que la moyenne. Oui, tout à fait. Et une étude britannique donne des résultats assez surprenants concernant les humoristes. En fait, ce sont des chercheurs qui ont fait passer à 500 humoristes un test de personnalité. Et ils ont constaté que ces humoristes avaient tendance à présenter des traits de personnalité psychotiques. Mmh. Alors, traits de personnalité psychotique, que personne ne se vexe évidemment, si on a quelques humoristes qui nous écoutent, et il y en a dans la maison, des traits de personnalité psychotique et non pas des troubles psychotiques. Il y a une différence à faire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine tendance dans leur personnalité à avoir des aspects qui sont proches de la psychose, mais sans vraiment être dans la pathologie. Mmh. Et finalement, quand on y réfléchit, ça n'est pas si étonnant que ça, parce que le mode de pensée qui permet de produire de l'humour est finalement assez proche de certains modes de pensée qu'on retrouve, par exemple, dans la schizophrénie. C'est-à-dire que les psychotiques peuvent avoir tendance à penser de façon non conventionnelle, à faire des associations étranges, inhabituelles. Et finalement, c'est aussi ce que font les humoristes. Donc, c'est pas si surprenant que ça. Voilà, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui. Parce que oui, je pense que un petit grain de folie peut aider à être drôle. Mmh, cette incongruité dont on parlait tout à l'heure, ça, on la retrouve. Et cette manière de penser qui est un peu différente, qui est un peu éloignée de la logique habituelle, nous aide à produire de l'humour. En fait, peut aider les humoristes à produire de l'humour. Une question qui souligne donc la prévalence des traits psychotiques chez les humoristes. Voilà pour cette question. La suivante, c'est celle-ci. Les gens bien dans leur basket sont-ils reconnaissables à leur humour, Andrea? Oui, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'études comme ça qui montrent des liens entre notre style d'humour et certains aspects de notre personnalité. Et donc dans le livre, je parle d'une étude qui montre que notre style d'humour pourrait être révélateur de notre estime de nous-mêmes. Mmh. Et notamment, les personnes qui ont tendance à avoir un humour un peu méchant, désagréable, un humour qui met mal à l'aise, souvent c'est parce que ces personnes-là, finalement, ne sont pas très bien dans leur peau et ont une pas très bonne estime d'eux-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que vous faites dans ce chapitre-là, en répondant à cette question, c'est le lien entre estime de soi et style d'humour. Voilà, tout à fait. Tout à fait, parce qu'à l'inverse, les personnes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils arrivent à utiliser l'humour de manière positive pour créer des liens, pour détendre l'atmosphère, pour rendre les gens heureux. Alors que chez les personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, l'humour est plutôt un moyen de, par exemple, de mépriser, de dénigrer les autres. Et du coup, au final, ça leur rend pas vraiment service parce que ça ne les rend pas très sympathiques. Oui, c'est ça, ça ne permet pas de créer des liens avec quelqu'un. Tout à fait. Puisque ce sont des blagues en général aux dépens de et non pas avec, pour rire avec. Et puis cette question que j'abordais il y a quelques minutes, le rire est-il un bon antidouleur, Andrea? Oui, c'est une expérience assez originale, menée par des chercheurs donc anglais, néerlandais et américains. Ils ont présenté donc des stimulus humoristiques à des personnes. C'est quoi des stimulus humoristiques? En fait, c'est tout type de choses qui peut déclencher le rire. Donc, ça peut être un sketch humoristique, lire une blague. Ça peut être un spectacle humoristique. Donc, il y a plusieurs stimuli humoristiques qui ont été utilisés. Donc, on a amené ces personnes à rire et ensuite on a évalué leur tolérance à la douleur. Et en fait, on constate qu'après avoir ri, on supporte mieux la douleur. Donc le rire a un peu un effet d'atténuation de la sensation de douleur. Mmh. Et ça, ce serait lié à la sécrétion d'endorphines qui est provoquée par le rire et qui provoque donc une sensation de plaisir qui fait qu'on tolère mieux la douleur. Ouais, c'est celle donc, que l'on retrouve dans les relations sexuelles, dans cette forme de plaisir, mais aussi dans, j'en sais rien moi, ce que vous dites, par exemple, la dégustation du chocolat. Voilà, c'est ça. Bref, se faire plaisir. Ça sécrète des endorphines et ça provoque une sensation de plaisir physique. Et c'est ça qui fait que, voilà, par exemple, si vous tapez sur le doigt avec un marteau, si vous vous mettez à rire, pour X raison, ça va atténuer un petit peu la sensation de douleur. Mais du coup, on répond, le rire est-il un bon antidouleur ? Oui, ça ouvre des perspectives dans le domaine médical également. Oui, tout à fait, on peut se poser la question de utiliser le rire pour atténuer la douleur chez les personnes qui ont des maladies chroniques douloureuses ou par exemple ça montre que par exemple les clowns qui interviennent à l'hôpital peuvent avoir vraiment un rôle tout à fait contre la douleur. Une fonction. Le rire comme bon antidouleur, qu'est-ce que cela évoque chez vous ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes peut-être déjà passé par là ? L'augmentation du seuil de la douleur que l'on supporte mieux après une bonne blague ou une bonne rigolade. D'après vous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Et qu'est-ce qui vous fait rire dans votre quotidien, tous les jours ? Est-ce que vous rigolez de vous ? Est-ce que vous rigolez des autres ? Est-ce que vous rigolez avec les autres ? 070 23 33 23 ou le SMS 30 63. Mets-toi tout Zazie qui s'est invitée chez vous pour la musique depuis 3 minutes. Un point cette fois à l'instant sur Viva. Avant de passer le relais aller-retour, ce sera tout à l'heure à 15h la suite de la vie du bon côté autour de l'humour, du rire et des 60 questions étonnantes et détonnantes aussi sur le sujet et les réponses qui apporte la science. La prochaine, l'humour peut-il atténuer la déprime ? C'est à suivre. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie ? Gymnastique, danse, natation, équitation ? Non, du rugby ! Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Bon, tout le monde a sa bouteille en plastique ? Allez, on y va. Levez le bras, léger moulinet de l'épaule, tout en souplesse, oui, c'est ça. On vise bien, un peu d'élan et on lance ! Bien les enfants, en plein dans le sac bleu PMC, bravo ! Les bouteilles et flacons en plastique sont les seuls emballages en plastique qui peuvent être déposés dans les PMC. Devenez champion du tri, visez le sac bleu PMC. Plus d'infos sur icdi.be. Un message de Faust Plus et de votre intercommunal ICDI. Hop, Julien, regarde, ta bouteille est encore à moitié pleine. Alors tu la vides complètement avant de la jeter. Vivacité présente la fête de la moisson à l'ancienne ce dimanche 28 août à Blarney. Voyagez dans le temps et découvrez les traditions et le savoir-faire de la paysannerie. Ferrage, charronnage, moisson à l'ancienne, ancêtres agricoles, marché fermier, dîner campagnard, groupe folklorique, soirée années 80. Ce dimanche 28 août à Blarney. Entrée gratuite. En télé sur la Une. La vérité si je mens. La vérité c'est Cornélien. La vérité, tu regretteras pas. Mais la vérité c'est normal. La vérité si je mens 3. Et on partage à 3, 50-50. 50-50 à quoi? Bah et oui, moitié-moitié. 3 fois plus de délire, ce vendredi soir sur la Une. Oh putain les gars, ça y est, c'est parti. Vivacité à Permé. En toute complicité. Sur 101.8 FM. À 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Thomas Loridez. Et avec votre invité jusqu'à 15h, Andrea Ostojic, qui est l'auteur du livre 60 questions étonnantes sur l'humour et le rire aux éditions Mardaga. Vous avez eu des retours de lecteurs sur ce livre et ce qu'ils peuvent en penser à la lecture de l'ouvrage ? Oui, il y a quelques avis qui sont plutôt positifs parce qu'apparemment on apprend des choses un petit peu un peu surprenantes. Ouais, c'est ce que l'on se dit avec les différentes questions que l'on feuillette ensemble. Il y en a une un peu incongrue d'ici quelques secondes. D'abord celle-ci, Andrea, l'humour peut-il atténuer la déprime ? En gros, on parle d'ici d'une distraction cognitive provoquée par l'humour, hein, c'est ça ? Oui, alors parce qu'on sait tous que l'humour nous fait du bien, ça je pense qu'on l'a tous constaté, quand on regarde un film comique ou un sketch d'humoriste, on sent que ça nous met de meilleure humeur. Et selon certains chercheurs, ce pouvoir antidépresseur de l'humour serait lié à ce qu'ils appellent la distraction cognitive. En fait, quand alors, on est... Il faut nous en dire un peu plus. Hein, oui. Distraction cognitive, oui, c'est vrai que c'est ça reste un peu abstrait quand même. Une expression qui n'est pas très très connue. Donc en fait, quand on est face à... comme je disais tout à l'heure, un stimulus humoristique, donc à une blague ou un sketch, notre cerveau doit fournir des efforts particuliers pour analyser et comprendre la blague. Parce qu'en fait, une blague, finalement, c'est comme un message codé qu'il faut décrypter. Donc l'humour, en fait, mobilise nos ressources, notre concentration, notre attention. Et ça nous fait faire des efforts au niveau de la pensée. Et de cette manière... l'humour détourne notre attention de nos pensées négatives. En quelque sorte, l'humour fait diversion par rapport à... Ça nous détourne de notre problème, si on en a un gros, en l'occurrence là, on prend l'exemple de la déprime, mais de notre état de déprime pour se focaliser quelques secondes sur, sur un brin d'humour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont déprimées, entre guillemets, vaut mieux leur raconter une blague, même si elle est mauvaise, plutôt qu'une histoire, même si elle est positive? Oui, effectivement, ce que montre l'expérience, c'est que, oui, par exemple, un film comique pourrait être plus bénéfique au niveau antidéprime plutôt qu'un film juste positif. Voilà. Parce qu'il y a ce travail à faire pour analyser l'humour. Et puis pour détourner l'attention et se focaliser sur autre chose. Exactement. L'humour peut donc atténuer la déprime. La question incongrue dont je parlais il y a quelques secondes, je la livre telle qu'elle est dans le livre. Que peut l'humour contre le risque nucléaire ? Il faut nous en dire plus, Andrea. Oui, en effet, c'est vrai que cette question... est assez surprenante. Donc ça mérite quelques explications. En fait, des sociologues anglais ont voulu faire une enquête auprès de personnes qui habitaient à côté d'une centrale nucléaire pour voir comment ces personnes vivaient avec le risque, comment elles supportaient le fait qu'il y ait en permanence une menace, en fait, une menace de catastrophe nucléaire. Donc, au départ, l'humour n'était pas du tout le sujet de leur enquête, hein, je précise, mais en analysant le discours de ces personnes, ils se sont rendus compte que l'humour était très présent dans leur discours, qu'ils faisaient beaucoup de blagues par rapport à la proximité de cette centrale nucléaire. Et la conclusion de ces chercheurs, c'est que l'humour, un peu comme dans l'étude qu'on a abordée tout à l'heure sur les urgentistes, en fait, l'humour nous permet de mieux supporter, de mieux gérer nos angoisses, parce qu'il permet de mettre une certaine distance par rapport à ce qui nous fait peur, ce qui nous inquiète, ce qui nous attriste. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de mise à distance. Et puis l'humour, c'est aussi un moyen d'exprimer l'indicible. C'est-à-dire que quand on s'exprime sur un ton humoristique, on ose dire des choses qu'on ne s'autoriserait pas à dire autrement, soit à cause du regard des autres, parce que ça n'est pas accepté socialement de dire ces choses-là, soit à cause de notre propre difficulté à nous confronter à ces réalités. Alors, il y a cette question du temps, de savoir quand on peut faire des blagues, à quel moment, est-ce que c'est trop tôt, pas assez. Ça, vous l'abordez aussi dans le livre ? Oui, je l'aborde à un autre moment, dans une autre question. En fait, une question qui s'appelle « À partir de combien de temps peut-on rire d'un ouragan dévastateur ?» Et effectivement, il y a une étude qui a été faite sur à partir de combien de temps c'est acceptable de rire d'un événement tragique. Et effectivement, je pense que le temps transforme la tragédie en comédie, c'est-à-dire que quand la tragédie est trop proche, c'est pas encore acceptable d'en rire, mais au bout d'un certain temps, on peut en rire, effectivement. Donc on finit toujours par en rire. Oui, voilà, à part certains, certains événements qui sont vraiment dramatiques. Vraiment dramatiques, mais sur cette question, par exemple, du nucléaire, même si on habite à côté, même si on se dit que peut quand même avoir quelques effets négatifs, l'humour permet de supporter la situation. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait souvent des blagues à propos des choses qui en réalité nous font peur, nous angoissent, parce que ça nous aide à dompter nos peurs, finalement. Et bien entendu, l'humour ne peut rien contre le risque nucléaire. On est d'accord. Oui, Andréa. Effectivement. Autre interrogation que vous formulez dans ce livre, 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire, c'est celle-ci. Quel type d'humour votre couple devrait-il privilégier ? Ah bah voilà, ça, on est en plein dedans, dans la vie du bon côté, le quotidien, les liens entre les styles d'amour et la satisfaction conjugale. Dites-nous en plus, Andréa. Oui, effectivement, ce sont des chercheurs canadiens qui se sont intéressés à cette question. Ils ont interrogé donc une centaine de personnes qui étaient toutes en couple. Oui. D'une part, on leur a demandé quel style d'humour ils avaient tendance à utiliser dans leur relation avec leur conjoint, leur partenaire, et d'autre part, leur niveau de satisfaction dans le couple. Et on constate, bon, finalement, c'est pas si surprenant que ça, mais on constate que l'humour un peu agressif, qui consiste à taquiner un peu le partenaire, à lancer des petites piques, peut avoir un effet sur la satisfaction dans le couple. Donc il faut faire attention, même si c'est juste pour rire, mais quand on est un peu trop moqueur au quotidien, ça peut avoir un impact forcément sur la satisfaction dans le couple. Il vaut mieux privilégier un humour qui est plus dans la complicité, dans la valorisation de l'autre. Fois, on peut aussi critiquer celui qui est en face en rigolant, mais en rigolant avec et pas aux dépens d'eux. Il y a une différence entre les deux. Humour, le ciment du couple, point d'interrogation ou pas, Andréa ? Je pense que oui, à condition justement de l'utiliser de la bonne manière, parce que le danger avec l'humour, c'est que ça peut être aussi une sorte de prétexte pour exprimer de l'agressivité, je pense. Parfois, on dit des méchancetés et puis notre excuse, c'est « écoute, c'est juste pour rire ». Alors qu'en réalité, je pense que l'humour est une arme à double tranchant et parfois, ça peut être utilisé justement pour être plutôt agressif. Et peut-être se libérer aussi soi-même sans forcément s'en rendre compte. Humour, ciment du couple, vous retrouverez cela dans le livre d'Andréa Ostojic à travers ses 60 questions sur l'humour et sur le rire et surtout les réponses qui apportent la science. On continue de les compulser d'ici quelques minutes après le bon son de Charlie Puth qui arrive maintenant. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one. One Call Away, le dernier single de Charlie Puth dans La Vie du Bon Côté à 14h passée de 35 minutes. L'humour et le rire au sein de La Vie du Bon Côté jusqu'à 15h à partir du livre de notre invité. Suite de la discussion dans 2 minutes. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Vivacité, la ville de Soigny et son centre culturel présente le multifestival gratuit Haut en éclat. Samedi 27 dès 11h à Soigny, concerts, arts forains, marché du monde et village des enfants. Plus de 20 spectacles, Ulysse, Grand Georges, Charcot, Nicolas Testa. Info 067 347 428. Vivacité à Flebec. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Envie d'un nouvel ordinateur équipé du contrôle parental? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 79 euros par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Vapona, votre arme contre les insectes. Quand je surfe sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'Internet ultra rapide dans un trio Wahoo ou Tatou. Pour la rentrée, vous vous offrez un laptop Acer d'une valeur de 479 euros. Un laptop Acer. Plus d'infos sur vous.be ou au 0800 800 25. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à condition. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. On le dit depuis le début de cette émission, il y a des choses surprenantes dans le livre de Stéa Ostojic, 60 questions sur l'humour et sur le rire et les réponses qui apportent la science. Des choses étonnantes comme des mots aussi que l'on ne connaît pas forcément. Vous nous parlez, chapitre 38, de la gélotophobie. Mais qu'est-ce donc, Andrea? La gélotophobie, c'est la phobie du rire. Je savais même pas que ça existait, la phobie du rire. Oui, oui, moi non plus, j'ai appris ça en rédigeant le livre. En fait, ce sont des personnes qui ont une phobie du rire, c'est-à-dire qu'elles associent le rire à quelque chose d'angoissant, de désagréable. De stressant, donc, voilà. Par exemple, quand elles entendent quelqu'un rire, elles sont persuadées qu'on se moque d'elles, en fait. Donc elles sont un peu terrifiées à l'idée qu'on se moque d'elles, et du coup, elles ont un comportement qui est dénué d'humour, qui est un peu froid, sérieux, parce que le rire est vraiment associé à quelque chose de négatif. Et comment on en arrive là, à être gélotophobe? En fait, ce serait dû à des moqueries subies dans l'enfance. Donc forcément, quand on a été beaucoup moqué, on peut avoir tendance à associer le rire à quelque chose de négatif, de déplaisant. Mm-hmm. Voilà. Et alors, les psychologues en sont conscients aujourd'hui ou pas? En fait, c'est un phénomène encore mal connu et il y a encore peu de psychologues qui utilisent ce terme. Donc c'est vraiment un phénomène qui mérite d'être mis en lumière afin de pouvoir aider un peu plus ces personnes, comme vous le dites, à vivre le rire non plus comme quelque chose de terrifiant, mais comme une expérience joyeuse. Parce que c'est vrai qu'on en parle peut-être sérieusement depuis le début de cette émission, mais ça reste quand même joyeux. Je vous répète le mot, la gélotophobie pour les phobiques du rire. Autre question qui, pour le coup, est plus claire dès le départ, celle-ci. Les hommes préfèrent-ils les femmes qui font rire? Ou alors, celle qui rit. Attention à ce que vous allez dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vous écoutent. Oui. Oui, en fait, on a demandé à 130 personnes, des hommes ou des femmes, leur préférence en matière d'humour chez leur partenaire. Et les hommes comme les femmes étaient d'accord sur le fait que c'est important d'être avec quelqu'un qui a le sens de l'humour. Mais en fait, en creusant un peu, on se rend compte que les hommes et les femmes ne veulent pas dire la même chose quand ils disent qu'ils ont envie d'être avec quelqu'un qui a le sens de l'humour. Les hommes, en fait, ils apprécient les femmes qui aiment leur humour, qui rient à leurs blagues, alors que les femmes, de leur côté, ont tendance à apprécier les hommes qui les font rire. Mais alors, comment on en arrive à cette conclusion-là exactement, Andrea ? En fait, en leur faisant passer un questionnaire sur, par exemple, est-ce qu'ils préfèrent être avec quelqu'un qui ne rit pas à leurs blagues, mais qui les fait rire, ou inversement. Et voilà. Et là, on constate effectivement des différences entre hommes et femmes dans les réponses données. Alors, les hommes, c'est clair. Les femmes, il n'y a pas un mélange des deux, quand même, entre la production de l'humour et également le fait de participer à l'humour de son conjoint, de son ami, de son compagnon. Bref, d'être bon public, entre guillemets. Oui, c'est vrai, en effet. Comme quoi, vous voyez, oui. Un petit peu, c'est un peu plus nuancé que chez les hommes. C'est vrai, effectivement. Ouais, c'est un peu plus nuancé que chez les hommes. Ouais. Ouais. Rien à rajouter ? Non. Bon, bah, très bien. 070 23 33 23, si vous souhaitez intervenir dans cette émission. On va encore se faire une petite question avant une nouvelle pause. C'est celle-ci. À quoi servent les rires dans une conversation ? Là, il est question du rôle du rire dans les interactions avec les uns, avec les autres. Combien de fois par jour on rigole ? Ça, on le sait en moyenne ou pas, Andrea ? On le sait pas forcément. Non, mais par contre, ce qui est mesuré dans l'étude, c'est que pour 10 minutes de conversation, on rit 5,8 fois. C'est pas mal. Donc c'est beaucoup, en fait. Une fois toutes les 2 minutes. Voilà, c'est plus qu'on ne le pense. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des rires, c'est pas forcément des rires qui sont en réaction à quelque chose de drôle, mais c'est des petits rires comme ça qui ponctuent la conversation. Et ce qu'on apprend dans cette étude, c'est que effectivement, le rire n'est pas toujours associé à l'humour. On rit pour de diverses raisons, et en fait, le rire apporte des informations qui complètent notre discours. Donc, le rire a vraiment une fonction de communication, et pas uniquement, c'est pas uniquement un réflexe en réaction à quelque chose de drôle. Ça veut dire quoi, fonction ? Ça veut dire que ça participe du contenu de la conversation, ça alimente les pauses, les respirations, les impressions que l'on peut susciter, c'est ça ? Oui, voilà, par exemple, parfois on rit pour signifier que ce qu'on dit n'est pas sérieux. On peut rire pour combler un blanc, pour attirer l'attention, pour séduire également. Il y a vraiment de multiples raisons qui font qu'on rit et qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec l'humour. Donc dans une conversation, quand quelqu'un rigole en face de nous, c'est pas forcément parce qu'on est drôle. Voilà, tout à fait. On est bien d'accord. 070 23 33 23, le SMS 3063 pour le dernier quart d'heure de la vie du bon côté autour du livre d'Andrea. 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Depuis lundi, tout le 8-9 est de retour. Enfin, sauf Jérôme qui n'était pas là lundi. Je dis ça, je dis rien. Et pour finir la semaine, on plonge dans le dictionnaire amoureux de la chanson française de Bertrand Dical. À la lettre C, Francis Cabrel. À la lettre C, le mot crise. Et à F, Clo-Clo, enfin Claude François. Ou dans F, fric. Bref, c'est toute la chanson française en indico. Si votre télé fonctionne, allumez la une télé ce vendredi. Je suis le gay avec une chemise noire. Avec Benjamin Maréchal. Cette semaine, après être allé se rebooster en vacances, on est de retour chez vous. 15h-17h, aller-retour avec Philippe Jeuniaux. La vie du bon côté sur Vivacité. Regarde-toi assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre. Regarde-toi à l'autre pôle, Le son de Kyo et le chemin à l'instant sur Viva, quasiment 3h moins le quart passé. Dans un petit quart d'heure, on ira du côté de chez vous avec aller-retour dans votre région. Avant ça, la fin de la vie du bon côté. La vie du bon côté. Et les dernières questions tirées du livre d'Andrea Ostojic, 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire. Quelques questions encore, pas piquées des hannetons, entre guillemets, Andrea. Est-ce que l'on est plus généreux avec celles et ceux qui partagent notre humour ? D'après une étude, effectivement, on a tendance à être plus généreux, plus altruiste envers des personnes qui ont le même humour que nous. Oui. Voilà, parce qu'on est naturellement attiré par donc les personnes qui ont les mêmes goûts que nous, que ce soit des goûts musicaux, vestimentaires, etc. Mais il semblerait que quand on rencontre une personne et qu'on constate qu'elle a les mêmes goûts que nous en matière d'humour, ça entraîne un sentiment de proximité particulièrement important. Mmh. Parce que l'humour serait un indice particulièrement fiable pour identifier les personnes avec lesquelles on est compatible. D'accord. Et ça, c'est lié au fait que les blagues contiennent des références implicites à des valeurs, des croyances, une culture commune, en fait. Mmh, c'est-à-dire qu'on s'identifie au discours de la personne en face, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'humour partagé, c'est vraiment le signe qu'il y a vraiment des similarités entre deux personnes. Généreux, ça veut dire qu'on sera plus clément, plus enclin à approfondir la relation, plus... En fait, d'après l'étude, si on identifie une personne comme ayant le même humour que nous, on aura plus facilement tendance à lui donner de l'argent, par exemple. Parce que là, c'était une étude... Ça entendait ça, le voilà, terme c'est généreux. Ça, c'est ça. Mais d'accord. Je pense que c'est généreux plus généralement. Mais en tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que l'humour, c'est vraiment un bon indice pour identifier des gens avec lesquels on est susceptible de bien s'entendre. Alors, autre question maintenant. L'humour est-il un bon moyen de soutirer des confidences à quelqu'un ? Là, on parle de l'effet du rire sur la divulgation, entre autres, d'informations personnelles. Oui, en fait, une expérience montre que après avoir ri, les personnes ont tendance à divulguer plus facilement des informations personnelles sur elles-mêmes, en fait. Pourquoi ? Le rire provoquerait une relaxation, une détente, qui fait qu'on baisse un peu la garde, on est moins... Voilà, on est plus détendu et donc on est moins vigilant et donc on peut plus spontanément dire des choses un peu intimes sur nous-mêmes. Et puis peut-être qu'on se rend aussi moins compte qu'on est en train de se livrer. Voilà. C'est ça. En plus de ça, on se rend pas forcément compte qu'on est en train, effectivement, de se livrer. Donc, faites rire une personne en face et vous obtiendrez quelques confidences. Voilà, c'est ça. Si vous cherchez vraiment à obtenir des confidences de quelqu'un, vous pouvez le faire rire dans un premier temps. Ça peut peut-être l'amener à être plus ouvert. Mmh. Ouais. Bah, la question d'après nous fait rire ou sourire, tout du moins. Les hôtesses de l'air rigolotes sauvent-elles plus de vies ? C'est quoi cette question ? Oui, c'est une question un peu étonnante. En fait, ce sont des chercheurs australiens qui sont partis du constat que quand on prend l'avion, dans un premier temps, on nous présente des consignes de sécurité. Mmh. Et les passagers ont tendance à ne pas être très attentifs à ces consignes parce que c'est pas très intéressant à regarder, on a toujours autre chose à faire. Donc ils se sont demandé comment on pourrait amener les passagers à être plus attentifs à ces consignes. Ils ont testé plusieurs méthodes. L'une des méthodes, c'est donc de tourner une vidéo avec un acteur célèbre qui présenterait les consignes, de sécurité. Et une autre méthode, c'était de faire présenter les consignes d'une manière humoristique. Donc avec des stewards et des hôtesses de l'air comme ça qui font des choses drôles. Et ils se sont rendus compte que c'était cette vidéo-là qui était la plus efficace pour amener les gens à être attentifs aux consignes et à mémoriser les consignes de sécurité. Donc ça devrait aiguiller les compagnies aériennes sur les conditions de sécurité qui sont présentées. Mais on l'explique comment ? C'est parce qu'on sort des sentiers battus, parce que on attire le regard alors que quand on s'assoit dans l'avion, on se dit que c'est toujours les mêmes types de consignes. Là, on est surpris ? Oui, je pense qu'il y a le côté surprenant et puis le côté tout simplement plaisant de l'humour. Donc on est attiré par quelque chose qui nous fait rire. Donc voilà, je pense que donc c'est ça. Donc les hôtesses de l'air rigolotes sauvent plus de vies, ou en tout cas donnent des informations qui sont peut-être mieux reçues. Voilà, tout à fait. Qu'habituellement, comme quoi il n'y a pas que la beauté. Et puis la petite dernière question, l'humour améliore-t-il nos performances en maths ? Là, je suis bien curieux d'avoir la réponse. Oui, là aussi c'est une question un peu surprenante. En fait, le problème dans les situations d'examen, c'est que les étudiants souvent sont stressés, et du coup ça a un impact sur leurs performances. Donc des chercheurs se sont dit... peut-être qu'on pourrait déstresser ces élèves par exemple, en les faisant rire. Donc, ils ont présenté à des élèves des dessins humoristiques avant de leur faire passer un contrôle de maths. Et ils ont constaté de meilleurs résultats chez ces élèves par rapport à d'autres qui n'avaient pas eu des stimuli humoristiques avant l'examen. Donc je pense pas que l'humour puisse vous rendre bon en maths si vous n'êtes pas bon en maths, mais si vous êtes du genre à stresser avant un examen, ça peut vous déstresser et donc vous amener à faire une meilleure performance. Un peu plus détendu. Et voilà. Puis peut-être aussi à voir les choses un peu différemment. C'est-à-dire que pour l'humour, il faut des fois un peu réfléchir, déstructurer sa forme de pensée pour s'adapter. En maths, c'est pareil. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'humour nécessite une sorte d'ouverture de l'esprit, de penser autrement. Et je pense que ce mode de pensée peut être aussi utile quand il s'agit de résoudre des problèmes, effectivement. D'où la question, l'humour améliore-t-il nos performances en maths ? La réponse est oui. Il y a des questions comme ça dans ce livre, hein, si vous avez envie de, pourquoi pas, voir les choses un peu différemment. Des questions qu'on finalement ne se pose pas souvent, voire jamais. 60 questions étonnantes sur l'humour et sur le rire. Et les réponses qui apportent la science, on les a pas toutes passées en revue, on en a fait quand même quelques-unes. Vous avez aussi le détail des études qu'a utilisé Andrea. Combien de temps de travail pour cet ouvrage, pour récupérer les études et... Je dirais 4-5 mois. 4-5 mois, très bien. Merci Andrea d'être passé par chez nous. Merci à vous. Belle après-midi. On vous met évidemment tous les détails sur le Facebook de l'émission, le Facebook de La Vie du Bon Côté. La musique de Kungs pour rejoindre tout doucement les infos de 15h et puis faire un point sur la situation météo de cette fin de semaine. C'est important avec ce temps caniculaire. Protégé de David Guetta, Kung, c'est le titre This Girl à l'instant sur Viva. Pour refermer cette émission, la vie du bon côté, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, retour de Sylvie Honoré. Eh ben voilà. Avec le livre de Marie-Isabelle Tassé qui s'appelle Contre vents et marées, on vous présentera pas que ce livre. Demain, on ira bien au-delà. Le but est de vous faire réagir à partir de votre propre expérience et de vous demander d'apporter un témoignage sur la manière dont les romans actuels, qui présentent un lien avec le développement personnel, la pensée positive, eh bien, vous ont donné des clés pour apprendre à mieux vivre une séparation, un divorce, un deuil, la maladie, la perte d'un travail, à mieux se comprendre soi-même ou encore à mieux comprendre les autres. Vous en parlerez demain avec Sylvie Honoré et donc Marie-Isabelle Tassé et son livre Contre vents et marées. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, vous préinscrire sur la page Facebook de La Vie du Bon Côté pour intervenir demain ou déjà réagir. À suivre la météo du jour, les infos de 15h et puis aller-retour dans votre région. Vabona, votre arme contre les insectes. Bon après-midi, le soleil s'impose toujours et dans le courant de la journée, on ira jusqu'à 34 degrés sur le centre, 28 au littoral, 30 à 31 sur les hauteurs. La nuit prochaine, minima supérieure à 20 degrés dans pas mal de villes. Et puis demain, un petit voile nuageux, des températures un petit peu plus fraîches sur le littoral, un petit peu moins chaudes aussi de Gand à Bruxelles, 27 à 29 degrés, mais toujours 34 degrés du côté d'Arlon, 32 du côté de Liège pour demain. On garde de la chaleur pour le week-end avec perspective orageuse pour la nuit de dimanche matin. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies.